Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Bouliane, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. On va parler de golf avec notre ami Sébastien Marceau. On rappelle que cette chronique est une commandite de BR Metal. Salut Sébastien. Salut Danny. Sébastien, le tournoi Calcutta en fin de semaine, c'est un gros tournoi, hein? Ben c'est 36 trous, c'est deux jours, samedi, dimanche. C'est le Calcutta du Moulin. OK. On a une belle commandite du Moulin. On a 1 000 $ en prix de participation. OK. Ceux qui ont participé, on a plusieurs prix de participation. En plus, on a des bourses aux gagnants dans le A et dans le B. La première journée, ils vont avoir une division. Les meilleurs vont être dans le A, les seconds vont être dans le B. Ils vont avoir une bourse pour le A, une bourse pour le B. OK. Donc, on s'attend vraiment à pas mal de participation? Présentement, on est 48. Je vais essayer d'aller plus un peu, mais on y va avec ceux-là qui veulent jouer. C'est ceux qui ont le temps. C'est sûr qu'on a les vacances de construction. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais en tout cas, les gens s'inscrivent quand même pour le tournoi. OK. Donc, ça va être intéressant à suivre, vraiment. Si on parlait maintenant, Sébastien, en fin de semaine également, il y a le tournoi bénéfice qui s'en vient. Oui, le tournoi bénéfice, il n'est pas en fin de semaine, il est le 8 août. OK. Le 8 août, on invite tout le monde à venir au tournoi bénéfice. C'est sûr, c'est important, notre type de golf, qu'on puisse avoir le plus de monde possible. Comment est-ce que tu as fonctionné d'inscrire, là? Je peux pas te dire exactement, j'ai pas les chiffres encore de nombre de forçats, mais ça va quand même bien, là. Notre nouveau président d'honneur, M. Clapperton, le directeur général de Produits Forestiers Résolus, est notre président d'honneur. Il disait qu'il avait contacté beaucoup de monde. Fait que je pense qu'on va avoir une belle participation encore cette année. OK, donc ça risque d'être intéressant aussi. Les promotions maintenant au club de golf. Les promotions présentement, on a encore le petit concours avec Facebook, avec Facebook puis la radio. Que les gens sont capables de répondre par Facebook si, avec qui ils veulent venir jouer, puis on a des tirages de 9 trous gratuits durant la semaine. OK. Donc, ça risque d'être intéressant aussi de ce côté-là. Oui. Cette semaine, la semaine prochaine encore, c'est ce concours-là. Mais toutes les semaines, là, dans les prochaines semaines, on va sortir beaucoup de concours. Là. Ça va aller de plus en plus. Là. Bon, merci beaucoup, on s'en parle bientôt. Je t'en viens là. Sébastien Marceau, du club de golf de Dolbeau-Mistassini.